et mes nouvelles portes. La première. 16h. Votre journal, Sophie Léonard, bonjour. Bonjour à tous. Les grandes orientations de la politique du gouvernement régional présentées cet après-midi au Parlement wallon. Au programme, les trois grands points qui seront développés par la région, les allocations familiales, l'emploi et la réforme fiscale. Paul Magnette qui a d'ailleurs confirmé l'aboutissement prochain d'une vaste réforme fiscale en Wallonie. On en a beaucoup parlé aussi de la réforme fiscale. Eh bien, cette année, nous allons y entrer de plein pied. Ce ne sera plus un sujet de conversation, ce ne sera plus un vœu pieux, cela deviendra un vrai dossier porté par le ministre Christophe Lacroix qui viendra nous présenter ici un projet de réforme en profondeur de notre fiscalité. Je le disais, nous n'avons pas les principaux leviers de la fiscalité, ils restent essentiellement fédéraux aujourd'hui, mais nous avons des outils de plus en plus importants et qui touchent à la vie quotidienne des citoyens, qui touchent à l'immobilier, qui touche aux véhicules et donc à la mobilité, qui touche aussi à l'additionnel sur l'IPP, qui touche à des redevances ou des taxes qui sont spécifiquement wallonnes. Et c'est tout cela que nous voulons dans une réforme fiscale globale qui permettra de rendre notre fiscalité wallonne à la fois plus juste, plus équitable, plus moderne et plus simple. Des propos recueillis par Rudy Herman. C'est pendant ce temps-là à la Chambre, on débat de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les réformes et le budget font hausser le ton de l'opposition. On le sait, l'une des volontés du gouvernement est de toucher aux pensions des conducteurs de train. La CGSP annonce un plan. Les modalités de ce plan d'action seront définies au cours du prochain bureau exécutif national fin octobre. Le syndicat appelle l'ensemble des cheminots à la mobilisation. Des actions à venir aussi du côté des policiers de Charleroi. Cela fait des années qu'ils sont en sous-effectif. Nouvelle mission, heures supplémentaires et personnel à bout de souffle. Les syndicats réclament 160 policiers supplémentaires pour atteindre la norme minimum légale prévue pour la zone. Pour le Front commun syndical, la ville de Charleroi fait des économies au détriment du travail policier. Écoutez Patrick François, il est permanent police pour la CGSP. On a déterminé une norme minimale de 1058 policiers pour pouvoir fonctionner, je veux dire, correctement dans la zone de police de Charleroi. Et maintenant, on est à peine 900. La population ne reçoit plus le service lequel elle mérite. Est-ce que le problème, c'est pas le recrutement aujourd'hui ? Non. Le problème, c'est d'abord que la ville a décidé de réduire son budget. Effectivement, ce n'est pas simple de les engager. Mais ouvrir et budgéter les emplois, c'est déjà un premier pas. Et après, quand ça c'est déjà décidé, on peut travailler sur le recrutement. C'est sûr qu'on n'aura pas les 150 policiers sur 3 mois. Il manque 5000 policiers en Belgique et donc on ne va pas les sortir de notre chapeau. La rencontre de cet après-midi avec les autorités communales n'a rien donné. Un préavis de grève devrait être déposé dans le courant de la semaine prochaine. En bref, dans l'actualité internationale, le Haut Commissariat de l'ONU appelle aux dons pour abriter les civils fuyant en Mossoul. Mossoul, bastion du groupe terroriste État islamique. Depuis ce matin, l'armée irakienne a lancé l'assaut pour reprendre la ville. Quelques 100 000 Irakiens pourraient fuir pour échapper au combat. La Syrie et la Turquie sont prêtes à accueillir une partie des réfugiés. Toutefois, le HCR estime que 61 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour fournir des tentes, vêtements ou encore chauffage aux populations irakienne déplacée. Une explosion survenue en fin de matinée sur le site du chimiste BASF dans l'ouest de l'Allemagne. Plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres ont été blessées. Selon le groupe allemand, l'explosion suivie d'incendie est intervenue lors de travaux sur un système de pipelines. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Voilà pour l'essentiel de l'info. Belle fin d'après-midi à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Walid, on vous retrouve avec toute votre équipe pour C'est presque sérieux. Tout à fait. Merci Sophie de nous avoir informé. On vous retrouve tout à l'heure à 16h30. D'ici là, excellent lundi, vous qui nous écoutez, vous qui vous êtes branchés sur la première. Oui, le ton est donné. Durant 1h30 maintenant, nous serons presque sérieux. Découvrez le nouveau Mokka X chez votre concessionnaire Opel pendant les Adventure Days du 15 au 30 octobre et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme Opel. La première... Avec Walid. De toutes les rencontres d'une vie, il y en a une qui me semble plus importante que les autres à mon sens, puisque la santé de toutes les autres en dépend, et c'est la plus capricieuse, la rencontre avec soi-même. Ouais. Vous vous êtes retrouvé en écrivant ce bouquin ? J'ai trouvé en tout cas une grande partie qui me manquait. Je sais pas si on finit par se trouver un jour complètement d'ailleurs. On a envie de se venger ou pas? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit? La vengeance, non, mais je me suis posé la question de la justice. Oui. Je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de justice. La justice m'avait été faite. Ma justice, c'est ma vie. Dimanche, Karine nous a sorti la punchline de l'année lors d'une discussion sur le jardinage avec Marine Le Pen, justement. Je trouve que le jardin, c'est poétique. C'est ce que disait Émile Louis quand il faisait ses trous. Voilà, on comprend tout de suite mieux pourquoi on l'avait choisi pour animer les maternelles et l'amour est dans le pré, hein, les enfants et les prédateurs sexuels, ça la connaît bien. Et alors ce rire de l'enfer. Ah oui. Alors on vit chaque jour comme un baiser, parapapa. Ceci dit, moi, la consanguinité, j'ai rien contre. Se reproduire en famille présente un avantage certain. Un arbre généalogique en forme de cercle, c'est quand même beaucoup plus facile à tracer. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que les migrants, ceux qu'on voit, ils n'ont juste pas d'autre choix. Ils n'ont pas un projet machiavélique de venir nous envahir et contrôler le territoire. S'ils avaient le choix, ils resteraient chez eux. Ils resteraient chez eux. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le choix. On se dit, bon, de toute façon, tu vas mourir de quoi? Ben, certainement pas de vieillesse. Au choix. Ouais, c'est vraiment à la carte. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Bon début de semaine à l'écoute de la première. Nous sommes presque sérieux durant les 90 minutes et l'actualité n'attend pas. Oui, par exemple, on a inauguré ce week-end à Charleroi bien la première piscine pour chiens de Belgique. Et oui, vous ne rêvez pas, preuve que l'on prend de plus en plus d'initiatives pour nos amis les bêtes. Et on n'est pas les seuls. Ah, hier à Paris, par exemple, avait lieu une grande marche réservée aux blaireaux. Ah, comme quoi, tout peut arriver. Et eux, ils ont l'oreille toujours prête pour qu'une puce puisse s'y mettre. Parce qu'il est temps d'arrêter d'avaler des couleuvres. Voici votre équipe d'amis des bestioles. L'émission aux 30 millions d'amis. Ils sont presque sérieux. Et lui, en apportant des bonnes nouvelles, il est celui qui permet aux oiseaux de mauvais augure de souffler un peu. Jean-Jacques Jespers, bonjour. Vive les blaireaux. Et elle dédie sa vie aux animaux, puisqu'elle est chercheuse de petites bêtes en général, voilà, et puis de poux en particulier. C'est Florence Mendes, bonjour. Bonjour Walid. Quand il s'agit de donner son nectar en pâture, il ne néglige aucun bétail. C'est Corentin Candy. Hello, oui, bonjour tout le monde. C'est bien parce qu'il croit toujours que c'est les autres. Ouais, j'espère toujours. Tiens, il ne sait s'il doit remercier ou maudire celui qui a eu l'idée d'inventer l'alcool pour soulager les cafards. C'est Edgar Schott, bonjour. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'alcool? C'est pas mal. Ouais, on se pose la question. On réenregistre. Ouais. Tiens, lui, il a un vieux rêve. Ouvrir chez lui un refuge pour jaguar. C'est Raoul Reyes. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je dois me racheter un blaireau. ou un refuge pour cougar, ça dépend. Une Mercury Cougar, très belle voiture. Tiens, un bon bras droit, c'est peut-être le cadeau idéal pour des paresseux comme nous. Aussi Carole Beck, notre assistante, qui a préparé cette émission pour vous. Et puis elle, les animaux, bof. Hein. D'ailleurs, quand il s'agit de mettre en boîte, c'est elle qui donne le ton à la réalisation Roxane Brunet. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rayons. Merci donc à vous d'être presque sérieux comme nos chroniqueurs du jour. Bienvenue sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première. Et durant 7h30, il sera question de sexisme. Nous aurons droit au journal des bonnes nouvelles de Jean-Jacques Jespers. On s'intéressera au CETA et à la manif pour tous. Bref, le programme en ce lundi 17 octobre est bien chargé. Et on vous offre également des cadeaux. L'agenda de Kroll en petit format. Alors c'est pratique, c'est maniable. Vous allez pouvoir y mettre tous vos rendez-vous, histoire de ne pas les oublier. Mais non, le problème, c'est que les gens les gardent nickel parce que ça prend de la valeur. Il faut mettre des ratures. Il faut mettre des ratures dedans. Peut-être. Allez, oui. Et il y a pas mal de dessins, en tout cas, vous allez pouvoir vivre et travailler un an en compagnie de Pierre Kroll avec des dessins corrosifs. N'hésitez pas à vous inscrire. On rajoute à cela un bic aux couleurs de la première, histoire de griffonner dans cet agenda, et un chargeur USB aux couleurs de la première. Des cadeaux pour le qui a dit du jour: je suis harcelé. Ah, qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, il suffit de vous inscrire maintenant en envoyant donc ces trois lettres CPS au 60 31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On se fera un plaisir de vous tirer au sort dans quelques minutes et vous viendrez passer un moment presque sérieux en notre compagnie. Dites, si les dessins sont corrosifs, ça veut dire que l'agenda rouille? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut être vacciné contre le tétanos. Quand même, oui. Kroll, qui sera d'ailleurs notre invité très bientôt pour nous parler de cet agenda et son actualité qui est très très très chargée à l'image de votre agenda. Vous qui nous écoutez, vous êtes certainement sur la route, vous êtes dans les embouteillages, vous sortez du travail, la semaine a été dure et l'actualité bien est chargée aujourd'hui, je le disais. Voici la une du jour. C'est la une. Allez, la semaine qui commence est une semaine qui est plutôt sympathique pour nous, Raoul. C'est vrai? Ouais. Dites-moi pourquoi. Bah parce qu'on va jouer avec des chiffres. Les chiffres et les chiffres. Voilà, ah oui, oui. Ah, les chiffres, les chiffres. On va faire tourner cette fameuse roue avec à l'intérieur forcément des chiffres. Alors on a une roue qui tourne, mais qui tourne beaucoup. Hein. Tous les chiffres de la planète sont là. Elle va s'arrêter sur un chiffre. À vous de déterminer de quelle actualité il pourrait s'agir. Attention, faites tourner la roue s'il vous plaît. Et derrière ce chiffre, je le disais, se cache une actualité. À vous de la trouver. Le premier chiffre aujourd'hui en ce lundi, 450. Et la voix de la roue a changé. Alors, le nombre de candidats à la primaire de droite. 450, le nombre de candidats à la primaire de droite en France. Non, absolument pas. 450, est-ce que ça fait référence? Est-ce que ça fait écho chez vous? Le montant de la pension des militaires à la SNCB. On n'est pas très loin, c'est un montant, effectivement. C'est 450 euros. Alors, Edgar, vous l'avez? La voiture de société, le budget mobilité qui pourrait remplacer... selon le souhait de l'employé, la voiture de société. Et oui, effectivement, on va pouvoir vous proposer de troquer votre voiture de société. Alors, vous qui nous écoutez dans votre voiture confortablement installée, vous qui êtes dans les embouteillages, et vous dites, tiens, comment est-ce qu'on pourrait lutter efficacement contre les embouteillages? Eh bien, le gouvernement a trouvé la solution. Vous proposez 450 euros en échange. Mais attention, 450 euros de salaire supplémentaire. Toute personne qui détient effectivement une voiture de société pourra renoncer à cet avantage et demander à la place un salaire net, une liberté donc de choix. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont se précipiter ou pas? Imaginons, vous avez une voiture de société et vous avez une Dacia Duster, par exemple. Ouais. Vous touchez 450 euros par mois, c'est pas mal. Alors, vous récupérez les 450 euros. Vous allez vous chercher une voiture qui coûte un peu moins cher. Oui, c'est difficile à trouver. C'est QFD. le CEO qui a une Jaguar XF... Il gagne si on leur donne 450 euros par mois en échange. Juste le pneu. Il a juste le pneu pour ce prix-là. Oui, c'est ça. Ou le velours sur les sièges. Ah, c'est énorme. 400 000 travailleurs bénéficient de ces voitures de société. En tout cas, c'est le nombre de voitures de société qu'on a dans notre parc automobile belge. Et le gouvernement qui lance donc là une piste pour réduire le nombre de véhicules sur la route, améliorer la mobilité et contribuer donc à une diminution de la pollution. Un calcul que le gouvernement a fait sur base du salaire poche moyen qui pourrait donc venir remplacer le véhicule. 450 euros par mois, c'est ce qu'annonce Didier Renders. Mais il y a un petit plus qu'on passe souvent sous silence, c'est que désormais la déductibilité de la carte essence va diminuer. Effectivement. Donc pour l'employeur, ça risque de mal passer. Voilà, donc c'est une manière de camoufler un cadeau. Imaginez, c'est le cadeau, mais que vous ouvrez et vous dites « Ah ouais, c'était ça. Je le remballerai bien ». Deuxième chiffre, deuxième roue, on fait tourner ces trous dans ce jeu des chiffres et les chiffres dans l'actualité de ce 17 octobre. Que se cache-t-il? Voici le chiffre. 10 millions. Ah, ouais, c'est une roue qui va loin. Hein. C'est 10 millions. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez lu une info avec ce chiffre? 10 millions, c'est 10 millions d'euros. Je vous le dis tout de suite. 10 millions d'euros qui qu'est-ce vont être qu'on investis. A encore pour c'est le montant des étrennes que va recevoir l'enfant du. Non. C'est un investissement. La valeur de la voiture de société de Jean-Paul Philippot. Non. C'est un investissement que la Belgique va faire. Un investissement de 10 millions d'euros. Rare, hein. Et ils vont refaire le palais de justice. Non. Un indice en musique, si vous voulez. C'est Catherine. Avec ADN, c'est le titre. Est-ce que vous avez une info en rapport avec, non pas Catherine, mais avec l'ADN? La remise en état de l'Institut scientifique de police. Ah, oui. Non. Pour 10 millions d'euros, non. Ça, on a juste une porte. Investir dans la recherche sur l'ADN? Et on n'est pas très loin, c'est une banque de données. La Belgique qui va investir donc 10 millions d'euros dans une banque de données ADN. Un consortium composé donc d'instituts de recherche, d'hôpitaux et d'entreprises doit signer prochainement donc cet accord de collaboration en ce sens. Une plateforme qui doit donc permettre d'effectuer un diagnostic correct pour les patients tout en cartographiant. Enfin fiché. Une analyse ADN qui devrait donc devenir le centre névralgique des hôpitaux, mais pas que. Mais pas que. Est-ce que ça cache quelque chose? Encore une fois, un cadeau empoisonné. Si votre employeur connaît votre liste de maladies, ça peut être... Et vous imaginez qu'un jour ou l'autre, votre assureur vous demande votre empreinte génétique? Ça va arriver à un moment ou à un autre. Évidemment. Hein, histoire d'augmenter, de faire gonfler le montant de votre assurance. Évidemment. Et vous avez vu, par exemple, les assurances. Maintenant, il y a cet ancien journaliste André François qui travaillait à l'RTBF qui, à ses 70 ans, s'est vu retirer son assurance. Etias a cassé son contrat d'assurance parce que c'est trop risqué de rouler en voiture à partir de 70 ans, donc il risquait les accidents, et voilà. Et vous allez faire comment? Je ne sais pas, moi je n'ai pas de permis. Bon, allez, moi, les banques de données ADN, je crache dessus. Vous n'êtes pas le seul. Il n'y a pas déjà cette fonction sur l'iPhone? Oui, si. Ce serait plus simple. Presque. Mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait payer Apple pour pouvoir récupérer les infos et les données. Ah, ça. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Bon, on fait encore tourner cette roue avec un dernier chiffre. De quel chiffre s'agit-il et de quelle actualité parle-t-on? 38. 38. Alors, à votre avis, 38. Est-ce que vous avez lu une info avec le chiffre 38? Quand on a encore mesuré le QI de Bernard Westphal. À l'envers, ça fait 83. 38, c'est un âge, 38 ans. Est-ce que vous avez une information? Alors, je vais vous aider. L'âge moyen du premier enfant? Non. Non. Écoutez l'indice. Beaucoup. Alors. Oula. Le nombre de kilos que pèse le bébé panda? 38 kilos. Ah, vous êtes gentil, vous. Non, mais on parle de panda. 38 mois. Non, pas 38 mois. 38 ans. 38 ans. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, c'est la doyenne des pandas en captivité qui est décédée. Et effectivement, Jia Jia est morte en captivité. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 38 ans dans un parc d'attractions de Hong Kong. Elle avait donné naissance à 6 petits. Et Jia Jia a été euthanasiée après que son état de santé se soit détérioré ces deux dernières semaines. Elle ne se plaisait pas. Mais non, oui. Elle ne mangeait plus. Et voilà, elle avait. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Plus d'appétit, comme on dit. Et donc, du coup, voilà. Chose qui ne m'arrivera jamais, par exemple. 38 ans, vous imaginez, 38 ans. C'est mon âge. C'est, c'est jeune. Fameux coup de bambou. Ah ouais, mais un panda vit combien d'années, en général? Bah, 38 ans. 38 ans. Jusqu'à ce qu'on l'euthanasie. Hein, voilà. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Bon, à 16h16, je vous rappelle le qui a dit du jour. Je suis harcelé. Qui aurait pu prononcer cette phrase? À vous de le déterminer. À la clé pour vous, l'agenda Kroll en petit format, un bic aux couleurs de votre radio, la première, et un chargeur USB, histoire de ne jamais être sans votre smartphone. En parlant de smartphone, j'ai vu une photo qui tournait, je trouvais vraiment sympa. Vous êtes entre amis au restaurant. Eh bien, je vous invite maintenant à faire exactement comme sur cette photo, ça m'a aidé. Je vais le faire. Vous prenez tous les téléphones des personnes autour de la table. La première personne qui reçoit un message de son partenaire, de son conjoint pour savoir où, quoi, comment, qu'est-ce, paye l'addition. Ouh. Voilà, comme ça, vous n'avez plus votre téléphone, vous le sortez plus à tout va, vous le mettez dans un petit panier, le premier téléphone qui sonne a perdu, doit payer l'addition. Oui, mais tout le monde va regarder les téléphones sans parler, non, sans non, manger. Dès que ça sonne, c'est fini, vous le mettez au milieu de la table, et dès que le premier téléphone sonne, c'est fini. Il y a un gage. C'est Bernard Westphal qui va être content. Disons bon. C'est les restos qui vont en pâtir, personne ne va oser y aller. En attendant, je suis harcelé, à vous de le déterminer. Qui aurait pu prononcer cette phrase? On fait bien entendu des propositions. Et dans la suite, on s'intéresse bien au sexisme, avec une chronique qui n'est pas bien passée, et tout le monde s'en est empressé pour justement cracher son venin sur cette émission. Quand un chroniqueur embrasse une invitée contre sa volonté, c'est ce que va nous proposer Florence Mendès dans la suite de C'est presque sérieux. Allez, salope. Oh putain, celle-là dit oh la pute. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, enfin sauf la lessive, hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Tu vois ces prairies vallonnées? Ouais, pas. C'est le pays de Herve. Et je te présente Rosalie, une vache élevée à Herve, qui broute de l'herbe de Herve, qui fait du lait de Herve, avec lequel on fait du... Bah, du Herve. Ah bah voilà. Le seul fromage belge couronné d'une appellation d'origine protégée. Tiens, goûte-moi ça. Quoi? Ah, je crois que tu t'es fait une nouvelle copine. Le fromage de Herve, carrément incontournable, avec le soutien de l'APACW. Pendant les Audi Days, tout est époustouflant. Les conditions sur l'Audi Q5 sont époustouflantes. Sa puissance tranquille et son confort sont époustouflants. Époustouflant aussi la technologie IEA. Irrésistible envie d'aventure. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q5 super équipé à partir de 37 500€ et 50% de remise sur la transmission Quattro. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Nous accueillons Cyril un week-end sur deux pendant les vacances. Au début, c'est vrai, il faut apprendre à se connaître, être patient, mais très vite, c'est la magie qui opère. On se rend compte qu'il fait partie de la famille et que nous faisons partie de la sienne. Être parrain ou marraine, c'est créer du lien. C'est donner un peu de son temps pour aider un enfant en situation précaire en Belgique. Contactez l'ASBL ICO au 02 538 51 35 ou parrainage.be. ICO. Et à 16h20, retrouvons cette voix qui bien vous accompagne sur vos routes pour vous dire où il ne faut pas aller surtout. C'est Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Bonjour Walid, bonjour à toutes et tous. Alors dites-nous tout Pierre. Avec quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles déjà, 22 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 16 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 13 minutes même maintenant pour l'intérieur Carrefour Léonard. Au titre des ralentissements sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Nivelles, il y a des ralentissements depuis Ytre sur 2 km en direction de Mons. Ralentissement, j'en ai parlé, travaux sur la 403 Bruges, tournée à hauteur de Blandin. Vous perdez une trentaine de minutes en direction de Tournai. Accident impliquant un camion et un bus sur le ring 9 de Charleroi à hauteur de la Porte de France. Le passage est difficile et il y a quelques ralentissements aussi, évidemment. Un accident impliquant un camion sur le 42 Namur-Mons à hauteur entre Namur-Ouest et Spi. La bande droite est neutralisée en direction de Mons. Encore un accident sur le 411 Namur-Luxembourg à hauteur d'Abbé. La bande d'arrêt d'urgence est toujours neutralisée en direction de Luxembourg. Et puis ce fameux chantier sur le 40 à Jabel-Bruxelles à hauteur de Cherat, et bien vous ralentissez dans les deux directions, vers Bruxelles entre Cherat et Herstal et vers l'Allemagne entre Herstal et Cherat. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Excellent lundi à l'écoute de la première, ils sont tous presque sérieux pour vous emmener jusqu'à 17h30 comme tous les jours. 90 minutes autour de l'actualité, autour de cette table, Corentin Candide, Gare Schotz, Jean-Jacques Jespers, Raoul Reyers et Florence Mendes. Quel coup de foudre pour Jean-Michel Maire, ce chroniqueur de cette émission Touche pas à mon poste, qui a embrassé une invitée contre sa volonté. Ah oui, les réseaux sociaux se sont emballés ce week-end, Florence. Eh oui, Jean-Michel, que nous arrive-t-il? Sans doute suis-je trop fleur bleue, trop sensible, trop romantique. Mais je n'y peux rien, te voir embrasser cette jeune fille m'a fait fondre, telle une victime d'Andras Pandy dans sa baignoire. Vraiment Jean-Michel, tu as tout des grands séducteurs de notre époque, de Ryan Gosling à Marlon Brando en passant par Michel Fourniret. Mais il y a malgré tout un petit bémol. Cette demoiselle t'avait clairement dit non, ce dont tu as eu l'air de te soucier autant que Louis Michel de son cholestérol. Bon, c'est un petit peu embêtant tout de même. Hein. Le consentement, tu vois, ce n'est pas une émission de Benjamin Maréchal, tu ne peux pas être pour ou contre. Non Jean-Michel, le consentement, tu dois le voir un peu comme le parcours d'intégration de Théo Franken. Sans ça, tu rentres pas. Et bien sûr, la toile s'emballe et s'indigne. Certains ont été jusqu'à poser des actes forts en postant non pas un, mais deux tweets sur le sujet. Car comme d'autres grands avant toi, tu es un incompris. Et oui, que veux-tu ? Il n'est pas facile de nos jours d'être à l'amour, ce que la Thaïlande est au droit de l'enfant. Bon allez, rassure-toi cependant, certains prennent également ta défense, arguant que si cette gourgandine ne voulait pas d'ennui, elle n'avait qu'à s'habiller autrement. Et c'est là où le bas blesse, enfin le bas, plutôt le haut. Au nom de toutes les filles soi-disant faciles, permets-moi de m'insurger, car oui, on peut coucher le premier soir et avoir des principes. C'est le moment de nous intéresser à ce que l'on appelle le « victim blaming », qui consiste à rejeter la faute sur la victime. Un peu comme si Éric Zemmour se faisait péter la gueule et qu'on... Enfin non, c'est pas vrai, lui il l'aurait un peu cherché quand même. Bon allez, plus sérieusement, dire d'une femme qu'elle s'est fait agresser parce qu'elle avait trop bu ou qu'elle portait une jupe trop courte ne l'encourage clairement pas à se tourner vers la justice. Pour preuve, en Belgique, à peine 16% des victimes de viol portent plainte, ce qui est évidemment très peu. Enfin un peu, tout est relatif, c'est toujours plus que ce qu'Electrabel a payé comme impôt. Comment, mon cher Jean-Michel, terminer cette chronique? Certainement pas, comme l'a fait ton patron Cyril Hanouna, en minimisant ton geste, plus navrant encore que les audiences records de ton émission de merde. Ne t'inquiète pas outre mesure, cependant, si la direction de ta chaîne retrouve un peu de bon sens et te fout à la porte, ton comportement ne t'empêchera certainement pas de te porter candidat aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis, ou d'aller travailler sur iTélé. Ah, merci Florence Mendès qui a un regard sur l'actualité qui a marqué cette semaine qui s'est écoulée. Oui Raoul. Le personnel d'iTélé s'insurge. Oui, bah, ils sont, mais ils sont contre Morand Lili. Bah oui, mais ils peuvent prendre la porte, on leur a dit. Si ça vous déplaît, dehors. Il y en a 50 qui attendent derrière la porte. C'est ça, vous imaginez, ils arrêtent tous de travailler. Ah, écoutez, caméraman. Je ne savais même pas que ça existait, moi, iTélé. Ouais. C'est quoi, en fait? Ça va de moins en moins bien. Il paraît que Bolloré est en train de s'en débarrasser. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'il l'a mis là. C'est ce qu'on appelle mis au placard. Pour fermer la porte. Voilà, voilà. Bon, 16h24, Raoul Reyers, vous avez pas mal d'infos pour nous. Bon, oui, si vous voulez. Eh bien, écoutez, on va vous écouter. C'est le moment, c'est l'instant. D'accord. Raoul Reyers, c'est à vous. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère. Mais j'espère. Ouais, on a tous un vêtement fétiche d'un film ou d'un feuilleton qu'on rêverait d'avoir dans notre garde-robe, non ? Carole, elle m'a dit que c'était la petite robe noire d'Audrey Byrne dans Breakfast at Tiffany. Ah, moi, c'était le pyjama de Charlie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Le truc, vous savez, le truc rose, qui, quand il enlevait son pantalon, il restait habillé. Le long caleçon. Ah, c'était avec les bras et tout, c'était avec les boutons en haut. C'était magnifique. Moi, c'est la robe de chambre de Big Lebowski. Oui, moi, j'étais sûr que c'était le t-shirt jaune de Bryce de Knights. Ah non. Et vous, Jean-Jacques ? J'ai du goût, monsieur. La paire de Colombo, le short de Rocky. Florence. Bon, moi, je crois que ce serait plutôt un sabre laser dans Star Wars. Ah, ouais. Ah, c'est possible. Eh bien, on peut retrouver tout ça. Moi, par exemple, je recherche la casquette de l'homme de Picardie. Oui. Très difficile à trouver. Et eh bien, il y a un site qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle Spot'em. Et il peut retrouver les points de vente de tous ces... Enfin, ce sont des... Des costumes... On les a refaits. Des répliques. Des répliques, pour, si vous avez envie de... De ressembler à... Il y a quand même 13 000 possibilités, donc c'est pas mal, et ils continuent à travailler. Et donc, allez, le chapeau de Charlie Ingalls. De Charlie Ingalls, le chapeau. Les bottes de Charlie Ingalls. La robe de Carole Ingalls. Écoutez, on va essayer de vous trouver la panoplie complète. La petite maison. Oh, c'est pas elle qui est morte? Ah non, c'est la fille. Non, ah ouais, Walnut Grove, monsieur. Walnut Grove. Ouais. Bon, une autre info. Vous avez peut-être vu cette annonce sur eBay. Enfant de 40 jours et prénommé Maria à vendre. Oui, c'est moi qui les poste. 5000 euros. Pas cher. On ne sait toujours pas si c'est une blague ou pas. La police est sur le coup. Ça se passe à Duisburg en Allemagne. À mon avis, ça doit être une blague. Ah, c'est un Allemand. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr de rien maintenant. 5000 euros. Pour un Allemand, c'est cher. Oui, c'est ça. Ouais. Une dernière petite info. Une dernière. J'ai enfin trouvé le bar où je n'essayerai même pas d'aller. C'est-à-dire ? C'est un bar qui n'accepte pas les moches. Ah oui, j'ai vu ça. Mais c'est le type qui avait déjà créé le site de rencontre, comment ça s'appelait encore, beautifulpeople.com. Ah oui. Et donc, mais j'ai une astuce. Il va engager une équipe pour dire si les gens qui viennent à l'entrée sont bien ou moches. Oui. Là, à mon avis, je pourrais c'est ça, moins choisir. Dire, je suis beau, mais de l'intérieur. Ça ne marche pas. Ah, par contre, avec un peu d'argent, je pense qu'il y a quand même moyen de rentrer. Vous m'étonnez. Tiens, on va parler d'argent également dans la suite avec cette phrase. Je suis harcelé. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? On pas de l'argent que je vais vous proposer, mais un lien. Il y a un lien. Comme ça, vous avez déjà un indice. Des propositions qu'on va vous faire, bien entendu, à la clé pour vous. L'agenda de Kroll en petit format, un bic la première et un chargeur USB. Je suis harcelé. CPS O6031, c'est le code qu'il faut envoyer. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous faites plaisir et on s'informe à 16h30. Autrement dit, tout de suite sur la première. Quelques jours de l'élection présidentielle, la RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. Et aussi sur la première du lundi au vendredi dans Matin Première et dans Soir Première. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Nicolas, arraché tragiquement au sien par un malheureux accident de la route. Voici ses derniers mots. J'arrive dans 5 minutes, réchauffe le poulet, #miam. Écrire un message au volant, c'est peut-être écrire ces derniers mots. Alors restons concentrés sur la route. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de la WSR, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. MiDirect est la banque de fonds d'investissement par excellence. Et d'après ses clients, MiDirect a un service clientèle extraordinaire. Essayons. MiDirect Bank, bonjour, Medica, comment puis-je vous aider ? Oui, j'ai lu dans une pub pour MiDirect que pour 97% de votre sélection de fonds, il n'y a pas de frais d'entrée ni de sortie. C'est exact ? Oui, tout à fait, monsieur. C'est clair, merci. Au revoir. Vous voulez l'essentiel à moindre coût? Investissez chez Midirect, la banque belge de fonds par excellence. Devenez client et recevez 1% de vos investissements cash sur votre compte. Midirect.be. Actions sous conditions. Vivez vos vacances en toute liberté. Mobicar, salon international de la caravane et du motorhome. Plus de 600 modèles et toutes les nouveautés 2017. Mobicar, du 20 au 25 octobre à Brussels Expo. Plus d'infos sur mobicar.be. La Première et Léal présente Vision. Du 14 octobre au 5 novembre, découvrez au Hall des installations numériques, hypnotiques, mécaniques et un spectacle qui fait danser la lumière. Vision, un événement qui questionne votre imagination. Du 14 octobre au 5 novembre, dans le cadre de la saison des cultures numériques. Les Halles, un monde autrement, avec le soir. Opel lance le nouveau Mokka X, le SUV compact taillé pour l'aventure. Et pas forcément pour explorer la forêt amazonienne. Aller au supermarché avec les enfants est déjà bien assez aventureux. Découvrez le nouveau Mokka X chez votre concessionnaire Opel pendant les Adventure Days du 15 au 30 octobre et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme. La Première. 16h30. Pour vous informer, Sophie Léonard. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Plusieurs personnes blessées, d'autres disparues sur le site chimiste de BASF. On annonce au moins un mort, 6 blessés et 6 disparus. Une explosion suivie d'incendie est intervenue lors de travaux. Les raisons de l'explosion sont inconnues. Aucune évacuation n'a été ordonnée. La population serait hors de danger. Une bataille décisive a débuté ce matin dans le nord de l'Irak. L'assaut dans la ville de Mossoul, aujourd'hui aux mains du groupe terroriste État islamique. Les autorités irakiennes ont donné leur feu vert. 30 000 hommes sont mobilisés. Les combats s'annoncent violents et les ONG s'inquiètent de la fuite des habitants de la ville. Chez nous à la Chambre, les débats sont houleux à propos de la déclaration politique générale du gouvernement Michel. Le CQFD d'Arnaud Reussen sera d'ailleurs consacré aux économies en soins de santé. Le patient va-t-il passer à la caisse? C'est la question qu'il posera à ses invités Jean Hermès, secrétaire général de la Mutualité chrétienne, et Paul de Munck, président du groupement belge des omnipraticiens. Tout ça sera développé dans vos journaux de 17h et 18h. Mais on vous retrouve d'abord, Walid. Effectivement, 29 minutes, voilà ce qui vous sépare de la suite des infos. Merci Sophie. Retour de l'info donc tout à l'heure à 17h. Et en attendant, restons presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la Première, 16h-17h30, avec Walid. Direction Auchan, pas le magasin, mais c'est près de Libin, avec Jean-Paul qui est avec nous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Walid. Vous allez bien Jean-Paul? Écoutez, tout va bien, oui, ça marche. Wow. Vous faites quoi dans la vie? Dites-moi tout, Jean-Paul. Oh, je travaille dans une banque, on va dire ça. Ça va. Vous êtes sûr que vous avez encore votre boulot? Jean-Paul, tout se passe bien pour... Oui, il dit pour le moment en plus. Donc, Jean-Paul, on va vous offrir des cadeaux. L'agenda de Pierre Kroll en petit format, un Bic la Première, un chargeur USB aux couleurs de votre radio. Seule formalité à remplir, tentez de découvrir parmi les propositions que nous allons vous faire maintenant, qui aurait pu prononcer cette phrase? Je suis harcelé. Des propositions et commençons par Corentin Candy qu'on n'a toujours pas entendu depuis 32 minutes. Bonjour. J'ai eu plusieurs bonnes. Je voulais la. Mais allez-y. Je suis harcelé. Donc c'était le gérant de la librairie où le gagnant de l'euro million a validé son ticket à Scarbeck la semaine passée. Ah oui. C'était lui. Le gérant de la librairie. Exactement. Il a dit je suis harcelé. Il a dit ça. Eh ben, dis donc. Gérant de librairie pour Corentin Candy de Garchotz, pour vous, je suis harcelé. C'est Marie-Christine Marguem à qui on demandait quels sont ses rapports avec Jean-Marc Nollet. Marie-Christine Marguem pour... Ils sont électriques. Pour Edgar Schatz, Marie-Christine Marguem. Raoul Reyers. C'est Bernard Westphal assailli par les groupies qui rêvent d'un autographe dans leur assassin. Westphal pour Raoul Reyers. Florence Mendes. Alors oui, effectivement, c'est Bernard Westphal, mais c'est une firme de sacs en plastique qui veut absolument qu'ils fassent leur pub. Non, je suis... Vous avez vraiment l'humour noir. Mais pas du tout. On va demander... Il ne manque pas d'air. On va demander à... Jean-Jacques Espers, vous. Je suis harcelé. C'est Eugénie Van Mol, qui est cadavre depuis peu au cimetière de Forêt, et à laquelle des fossoyeurs facétieux ont imposé quelques jeux sexuels assez coquins. Ah ouais, quand même. Ah, je sais pas si vous avez vu ça dans la presse, mais c'est vrai. Ah non, non, racontez, Jean-Jacques. Donc il y a quelques employés communaux de Forêt qui se sont retrouvés, enfin qu'on soupçonne d'avoir bu et abusé un petit peu. J'ai vu barbecue. J'ai vu barbecue aussi. Barbecue fait... aussi, ouais, barbecue. Ouais. Et le barbecue s'est terminé de manière assez... Ouais. Voilà. N'enlevez pas toutes les blagues, la prochaine chronique de Pierre Charette. Bon, on a des propositions pour vous. Je suis harcelé, Jean-Paul. On a le gérant de cette librairie à Scarbec, où a été remporté l'Euro Million. Nous avons Marie-Christine Marguem, Bernard Westphal deux fois, ou Eugénie Van Mol. À votre avis, qui aurait pu dire « je suis harcelé » ? Ouais, elles sont toutes bonnes, mais je crois que c'est Corentin qui a donné la bonne réponse avec le libraire de Scarbec. Eh oui, effectivement, c'est Corentin Candy qui vous a donné la bonne réponse. Serkan, ne pas confondre avec Sherkan, le tigre, bien entendu, ce gérant de librairie scarbécoise où a été remporté l'Euro Million, ce jackpot qui a été remporté, et lui n'en peut plus. Ah ouais, il n'en peut plus entre les coups de fil la nuit et ceux qui pensent qu'il est le gagnant, puisque forcément, tous ceux qui l'ont vu sur la photo pensent que c'est lui qui a gagné. Donc du coup, les appels, les mails, les courriers, de jour comme de nuit, ne cessent pas. Des lettres adressées au gagnant, mais également des cartes de visite, on vient le voir comme si c'était le porte-parole du gagnant. Un représentant d'une banque, d'ailleurs bien connu, est venu lui déposer sa carte en lui demandant de l'adresser au gagnant afin qu'il puisse le contacter pour des placements. Un courtier qui n'arrête pas de lui téléphoner pour les mêmes raisons. Jusqu'ici, aucun de ses messages n'a été transmis au gagnant, donc forcément, il ne joue pas l'émissaire. Hein, pour la simple et bonne raison que ce dernier n'est plus réapparu dans la librairie depuis le jour où il a gagné, où il a découvert donc, sur place être l'heureux propriétaire de la combinaison gagnante, lui offrant donc 168 millions d'euros. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que la presse aujourd'hui titre « Le gagnant de l'Euro Million ne s'est pas présenté au travail depuis quelques jours. » Et là, on se dit « Mais dans quel monde on vit ?» Jean-Paul, vous auriez gagné cette somme, vous auriez été retravaillé ou pas, Jean-Paul ? Bien sûr que non. Non, parce que là, forcément, vous imaginez son patron qui l'appelle en disant « Écoutez, vous n'êtes plus venu vous présenter, faites attention, votre retraite, vous n'allez pas tout gagner. » Vous n'aurez pas droit au chômage. Voilà, vous n'aurez pas droit au chômage, toutes les questions que nous, on peut se poser. Mais en même temps, en n'allant pas travailler, il se désigne automatiquement comme étant celui qui a gagné. Ah, mais tous ses collègues savent exactement de qui il s'agit. Donc, c'est lui qui va se faire harceler. Ah oui, mais là, je pense qu'il a déjà déménagé, il est déjà loin. Ah, Hucle. Donc voilà, c'est ça. Comme qu'il a racheté une banque. Comme par hasard, Vincent Flibustier n'est pas là aujourd'hui. Ouais, comme par hasard. Ah. Il avait un nouveau pull la dernière fois que j'ai vu. C'est vrai aussi. Je suis harcelé, c'est donc ce gérant de librairie scarbécoise chez qui je vais aller faire un tour, tiens. On ne sait jamais qu'il aurait caché de l'argent. Des gens qui vont le voir pour vraiment lui dire, tiens, si vous le voyez, dites-lui que je suis un peu dans la dèche, faites-lui passer le message. Il y a le prince Laurent, sinon. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en attendant, c'est donc gagné, vous repartez avec l'agenda Kroll en petit format, on rajoute à cela un bic aux couleurs de la première et le chargeur USB aux couleurs de votre radio. Restez-nous fidèles, Jean-Paul, restez surtout presque sérieux. Super, merci à tous, merci Walid. Merci, à bientôt Jean-Paul. Merci. Et tiens-nous dans la suite, on va continuer à s'intéresser à l'actualité avec l'histoire qui s'invitera. Oui, que s'est-il passé, tiens, 17 octobre, eh bien vous le saurez dans un instant, une presque star qui sera également avec nous. On va un peu retravailler l'actualité comme vous l'entendez, sauf que nous on l'entend un peu différemment avec de vrais extraits de JT, sauf que tout ce qu'on vous sera faux à l'intérieur. Mais avant cela, eh bien passons aux bonnes nouvelles. Elles sont signées Jean-Jacques Espers et c'est tout de suite sur la première. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis commerçant. Vous avez une bonne nouvelle, on vous écoute. Ma bonne nouvelle, c'est que je vais passer aujourd'hui ma voiture au contrôle technique. Et normalement, elle va passer, sans problème. Il y a des petits bonheurs de la vie comme ça qui doivent être partagés. Il n'y a pas de petits bonheurs, il n'y a que des bonheurs au pluriel. C'est vrai. Ah ouais, par exemple, bonheur. Quand vous changez mon fond d'écran pendant le journal, j'ai failli accuser la journaliste. Mais c'est une idée de la journaliste, c'est une idée de Sophie. Oh oui, alors comme ça, on explique tout aux auditeurs. Pendant le journal, Raoul Reyers sort du studio et donc on en a profité durant la pause pour changer son fond d'écran. Et on a mis quoi d'ailleurs ? C'était une jolie fille un peu dépoitraillée, si je veux. Ouais, voilà. Ça vous a pas choqué ? Pas du tout. Non, vous êtes dit tiens. On a vu d'autres. Ouais. Quand je vois votre fond d'écran, je ne m'attends. Je mettrai mon. Vous savez ce qu'on va faire un jour ? On va faire le jeu du fond d'écran. On va poster les photos de fond d'écran de tous les chroniqueurs de l'émission et vous devrez deviner de qui il s'agit. Ah ouais. De quel fond d'écran il s'agit. On va faire ça. J'ai organisé vitre mis une voiture. Moi, c'est la vie de Jean Mott. Bon, on fera ça bientôt. Mais en attendant, c'est un peu comme Dallas, où l'univers impitoyable des bonnes nouvelles frappe encore à votre porte et surtout en ce lundi. Et c'est signé Jean-Jacques, j'espère ça. Ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenu de feu mon oncle Édouard. Mon oncle Édouard, c'était le prototype du beauf raseur pas du beauf raseur. Dans les déjeuners de famille, toujours un commentaire stupide sur le temps qui court, sur l'actualité, bien sûr des propos à l'emporte-pièce, des idées reçues dignes du dictionnaire de Flaubert. Traitait régulièrement les juges de lâches et de planqués. Ça nous faisait soupirer de résignation et puis on servait la poularde et tout le monde passait à autre chose. Mais il n'y avait pas de journaliste du monde pour noter consciencieusement les sottises de mon oncle Édouard et pour en faire un best-seller. Il faut dire que mon oncle Édouard n'était pas président de la République puisqu'il était de Torrambel et Béguin. Mais tout ça nous écarte du journal des Bonnes Nouvelles. Cette semaine, les bonnes nouvelles ne manquent pas, d'ailleurs. Ah non. Par exemple, pour les actionnaires belges de Brussels Airlines, ils vont toucher 2,5 millions d'euros offerts par Lufthansa en échange de leurs actions. Évidemment, 2,5 millions d'euros, ça paraît un peu peu quand on sait qu'un Airbus A320 coûte en moyenne 95 millions d'euros. Mais c'est quand même pas mal, finalement, pour les actionnaires belges, quand on songe que la compagnie DAT, qui est à l'origine de Brussels Airlines, a été rachetée pour la somme d'un franc belge en 2004 à la curatelle de la Sabena. Et qu'en plus, ces actionnaires belges qui avaient payé un franc belge ont reçu en prime un prêt de 125 millions d'euros accordé par l'État belge à la Sabena, mais dévié au dernier moment par le gouvernement vers DAT, justement. Une somme que Brussels Airlines ne semble d'ailleurs jamais avoir remboursée. Mais le contribuable belge est là pour porter secours aux pauvres actionnaires démunis. Selon les calculs d'un ancien de la Sabena, le franc symbolique versé en 2001 aura quand même rapporté en total aux actionnaires belges 250 millions d'euros. C'est quand même pas mal comme return on investment. Alors là, c'est vrai que c'est, le ratio est très bon. Ah. Autre bonne nouvelle, entre 2010 et 2015, le nombre d'invalides en Belgique est passé de 278 000 à 370 000. Ouais. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Eh bien parce que 100 000 invalides en plus, ça fait quand même 100 000 personnes en moins à inscrire au chômage, donc ça améliore vachement les performances du gouvernement en matière d'emploi. Autre bonne nouvelle de la semaine, la police. La police est devenue très exigeante quant à la qualité de ses recrues. Elle fait passer de 10 sur 20 à 12 sur 20 la note minimum nécessaire pour réussir cette épreuve d'admission. Évidemment, cette mesure radicale a eu pour effet que le taux d'échec à ces épreuves est passé de 10% à 30%. Mais au moins comme ça, il y aura moins de fautes d'orthographe dans les PV. Et ça m'a fait penser à cette mauvaise blague de mon oncle Édouard. La police organise un concours de recrutement, donc, mais comme le niveau est très très bas, l'épreuve décisive consiste finalement à savoir compter de 1 à 10. Alors tous les candidats échouent, ils font 1, 2, 3, 4, bon, ils s'arrêtent finalement à 6 ou à 8, mais finalement un candidat brillant réussit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, dit l'examinateur, vous avez réussi, mais rien que pour la joie du jury, vous pourriez continuer au-delà de 10. Bien sûr, dit le candidat. Valet, dame, roi. Ça me fait penser, vous savez ce que c'est, un demi-policier? Vous l'avez déjà fait avec un demi-militaire, mais je vous laisse la faire. C'est quelqu'un qui ne sait ni lire. On embrasse la police. Autre bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'on prétend, nous ne nourrissons pas uniquement de frites, de cervelas et de tartes au riz de Verviers. 71,2% des Belges mangent au moins une portion de fruits ou de légumes par jour. Et c'est mieux que la moyenne de l'Union européenne. Il faut dire que pour l'enquête belge, on a réussi à faire passer parmi les fruits les cuberdons, les matons et les flamiches. Les enquêteurs européens n'y ont vu que du feu. Encore une, la lutte mondiale contre l'immoralité et l'indécence progresse à grands pas. Ainsi, toutes les 7 secondes sur notre planète, une jeune fille de moins de 15 ans se marie. Et grâce à ce mariage, ces adolescentes échappent aux dangers qui guettent les filles de cet âge, de l'amour libre jusqu'à la consommation excessive de colifichets, en passant par l'abus de Snapchat. Vous en voulez encore ? L'abus de quoi ? De Snapchat. Ah ok, d'accord. Vous en voulez encore ? Les restes humains retrouvés sous une dalle de béton dans le jardin, dans un jardin de la Louvière, sont peut-être ceux de Stéphane Stenier, journaliste disparu mystérieusement en 1989, alors qu'il enquêtait sur les négriers de la construction. Mais aujourd'hui, heureusement, les négriers de la construction, ça n'existe plus. Un soi-disant journaliste de Médor, appelé Philippe Engels, prétend les avoir retrouvés sur le chantier de la ville basse à Charleroi ou sur celui du centre hospitalier chrétien de Liège, sous les couleurs du très honorable groupe italien Bison, qui, accuse-t-il, ferait travailler des esclaves d'origine indienne, égyptienne ou kosovare à des prix défiant toute concurrence et avec l'aval des autorités. J'ai voulu contacter ce journaliste pour lui faire part de mon indignation devant ses insinuations, mais il paraît qu'il y a déjà quelques jours qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Ouais, fameux bison buté. Hein. Et enfin, une très bonne nouvelle, le 24 novembre prochain, un miracle va se produire. Alléluia. En effet, ce jour-là, le secteur des non-marchands organise une grande marche. Alléluia. Merci Jean-Jacques Jespers pour ce journal des bonnes nouvelles. Tu prends les trucs Jean-Jacques. Hein oui, je ne sais pas ce qu'il prend, mais je prendrais bien la même chose. Prenez quoi Jean-Jacques? Une bonne bière. Voilà, tournée générale, tiens. 16h, presque 44 minutes. On revient dans l'histoire. Que s'est-il passé un 17 octobre? Eh bien, on va le savoir dans un instant avec une question que vous proposera Laurent Dehaussé. Et puis, on s'intéressera à l'actualité revue et corrigée par Corentin Candy. Et Corentin, vous nous parlez du CETA. Du CETA. Ah ouais. Et du TTIP, pour ouais. J'ai un peu globalisé. Comme pour ça, les gens savent un peu. Il faut expliquer aux gens. Voilà, il faut tout expliquer. Service public. On va revenir là-dessus. Restez presque sérieux sur la première. Ne bougez pas tout de suite. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Les jouets, c'est drôle. La TVA, pas du tout. Alors Cora vous l'offre sur un jouet au choix avec la carte Cora. Condition en magasin. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Vous vous rappelez la première fois que vous avez embrassé une fille ? Tétanisé par le trac, même si vous vous étiez entraîné sur votre main des milliers de fois avant. Vous avez ouvert la bouche si grande que vous avez presque avalé son nez. Et puis vous avez tourné et tourné la langue sans arrêter, le cœur battant la chamade. Et bien vous avez osé, mec. Vous avez emballé la Céline du 4e derrière les autoscooters. Vous aimeriez à nouveau ressentir la satisfaction de vous jeter à l'eau ? Alors investissez chez Bink. Parce que chez Bink, c'est vous qui décidez seul de ce que vous faites de votre argent. Bink, parce que c'est votre argent. Vous avez un projet de construction ? Tepalm vous donne rendez-vous lors de son week-end portes ouvertes les 22 et 23 octobre de 13 à 18h, rue du Prieuré à Neuchâteau. Parcours fléché depuis la sortie Neuchâteau de la E411. Toute l'info sur tepalm.be. La première présente, José Carreras, le Final War Tour. José Carreras sera en concert à Beaux-Arts le 27 octobre. Un retour sur la carrière musicale de l'un des plus grands ténors de tous les temps. Une soirée de gala à ne pas manquer. José Carreras, le 27 octobre à Beaux-Arts. Tickets, gracialife.be ou 02 507 82 00. Avec le soir. La première. Mobile Info. 16h45, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec l'excellent Pierre Collard-Bovich. Eh bien, c'est que la sanguille se densifie, mais de manière assez raisonnable sur la ligne de Bruxelles. 20 minutes de plus quand même pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 16 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 12 minutes pour l'intérieur Carrefour Léonard. Au titre, toujours ces ralentissements sur le 19 Mont Bruxelles-Mons à hauteur de Nivelles en direction de Mons. Des ralentissements également sur engendrés par les travaux également sur le 403 Bruges Tournai autour de Blandin. Vous perdez à nouveau 40 minutes en direction de Tournai. Puis des ralentissements toujours dus aux travaux sur la N60 Leuze-René entre Franles-Léonvin et Acquigny. Vous perdez une vingtaine de minutes en direction de René. Puis un accident sur le 411 Namur-Luxembourg à hauteur d'Abbé. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée en direction de Luxembourg. Ralentissement sur le 40 avec la chapelle Bruxelles à hauteur de Cherat dans les deux directions, vers Bruxelles et vers l'Allemagne. Vous ralentissez de la même façon. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey, Houston, on a un problème ici. L'origine des gauches radicales en Europe, ce sera le thème demain. Dans un jour dans l'histoire avec Laurent Dehaussé, avec comme invité Pascal Deluit, professeur de sciences politiques à l'ULB. On aura l'occasion d'y revenir donc demain entre 13h30 et 14h30 sur la première. Mais la question aujourd'hui, que s'est-il passé un 17 octobre ? Eh bien voici la question proposée par Laurent Dehaussé. C'est un 17 octobre que l'on a découvert deux panthères au Mexique. De quoi parle-t-on ? Alors, deux panthères au Mexique, c'est la première fois qu'on les voit. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait au Mexique il n'y a pas de panthères. On a tenté de vous mettre hors piste, mais je vous ramène. Sauf à cette occasion-là, je vais dire. Oui, sauf à cette occasion-là. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, il existe plein de félins. Ah, je sais, mais il n'y a pas de panthère. Alors, vous savez, alors ça a été, on a été. Jeux Olympiques de Mexico 1968, Black Panther. Effectivement, Tommy Truc. Et... Alors, sur le papier, effectivement, l'esprit olympique interdit toute forme de manifestation politique et l'histoire prouvera le contraire avec plusieurs événements qui ont marqué les Jeux Olympiques modernes, comme ces fameux points levés de Tommy Smith et John Carlos aux Jeux de Mexico le 17 octobre 1968. Alors, il faut savoir que la ségrégation théoriquement abolie en 1964 par le Civil Rights Act est encore bien présente, en tout cas dans la mentalité américaine en 1968. Et ce 17 octobre, eh bien, les athlètes américains Tommy Smith et John Carlos, champions du 200 mètres, montent sur le podium et à la première et à la troisième place. Et que font-ils? Eh bien, on a tous ces images en tête. Ils lèvent la main. Alors, il y a une petite histoire autour du gant. Au départ, un des deux avait simplement une paire de gants. Et il y a un troisième athlète, un Australien, qui est dans l'image, qu'on voit la tête baissée, mais il porte un badge. Un badge qui symbolise également cet acte de ces deux Noirs américains qui veulent lutter contre cette ségrégation. Alors, le scandale sera immédiat, les sanctions cinglantes, on leur retire leur titre de champion, on les bannit du village olympique, on leur dit, c'est bon, on peut, un coup de pierre comme ça, des chaussures qui partent, partez. Les familles qu'on insulte, ils sont menacés de mort, mais ils auront en tout cas amorcé un combat de tous. Et ce troisième homme, donc, un Australien, Peter Norman, sur la deuxième marche du podium, eh bien, lui, il les soutient aussi avec un badge du mouvement de protestation de droit civique. C'est même lui, donc, qui va suggérer à Smith et Carlos de se partager une seule paire de gants, puisque le second avait oublié sa paire. Au départ, ils étaient censés avoir tous les deux une paire de gants, et en fait, il leur a dit, mettez chacun un gant, et ce sera beaucoup plus symbolique. Et donc, lui, il ne sera pas chassé du village olympique, mais il est mort d'une crise cardiaque en 2006, et les deux athlètes, Tommy Smith et John Carlos, comme quoi l'histoire est belle, font immédiatement le voyage vers Melbourne pour acheminer ce cercueil de leur défunt camarade. Et je trouve que cette phrase est représentative de cette générosité. Ils l'ont dit lors de l'inhumation. Je pensais voir la crainte dans ses yeux. J'y vis l'amour. Voilà comment un homme peut faire parler de lui en toute discrétion et comment est-ce qu'une symbolique peut prendre sa forme. Derrière chaque photo, il y a une histoire. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir cette histoire en ce 17 octobre avec ces Jeux Olympiques. C'est beau, hein, cette histoire d'envie. C'est magnifique. C'est fort, si vous saviez. J'en profite dans le même genre de thématique, hélas, pour dire que le 17 octobre 1961, c'était aussi le jour où le préfet Papon a mis quelques dizaines, voire centaines d'Algériens à la Seine sans qu'aucun journaliste n'en parle pendant des années. Et donc quand on dit, après Nice, etc., que jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France n'avait connu autant de morts sur son territoire, c'est un peu vite oublié, les Algériens jetés à la Seine. Charonne. Il y a des mémoires qu'il faut pouvoir raviver rapidement. Tiens, est-ce que vous avez une chronique qui tient la route en 4 minutes, Corentin Candé? 4 minutes? Oui, c'est possible, vous pensez? On peut la route. Eh bien, je vais vous proposer le temps de Bob Marley, One Love, People Get Ready. Ça donne envie. Voilà, ça met de bonne humeur en ce lundi. On décompresse tranquillement et surtout, nous sommes presque sérieux. On va s'intéresser au CETA dans un instant avec Corentin Candé qui décortique donc cette actualité de ce 17 octobre pour vous. Le temps pour nous d'écouter Bob Marley. Bien par où ça passe, petit souvenir signé Bob Marley 1977, One Love, People Get Ready. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est l'heure, c'est l'instant. Le CETA, vu et corrigé par Corentin Candy, c'est tout de suite sur la première. Le CETA risque de nous coûter notre démocratie, notre alimentation, notre santé, notre agriculture et le climat. Un peu trop cher, non? C'est presque sérieux sur la première. Et oui, nous parlons donc de ce fameux CETA, n'est-ce pas, Corentin Candy ? C'est vrai, Walid, c'est vrai. J'ai souvent remarqué depuis le vote du Parlement wallon que les gens se posent énormément de questions. Mais de quoi s'agit-il ? Gai savoir si le Parlement wallon est un Parlement rempli, truffé de wallons. On va pas confondre avec le parmesan wallon. Exactement, le parmesan wallon. Truffé de wallons. Le QI moyen de 72, pour vous donner un comparatif, le chef de file du groupe écolo au Parlement wallon pendant 10 ans faisait un petit 83. Et encore, il aurait triché. Alors le CETA, donc, quand je fais des exposés devant des publics universitaires, je vois beaucoup de bouches ouvertes, de regards vides. Les gens ne comprennent plus. Le CETA, on devra payer notre pain en dollars indonésiens, c'est ça ? Est-ce que vous pensez que je pourrais garder mon chat ? Ils vont reprendre mon chat, dites, est-ce que je vais devoir faire piquer mon chat ? Est-ce que les élans qui sont comme des cerfs, mais en encore plus grave, vont pouvoir venir prendre les travails de nos SDF, nous demande-t-on souvent. Bon, je vais vous donner mon avis définitif sur le CETA et le TTIP, gratuitement. Depuis ce week-end, les gens ont envie de savoir, vous allez manger chez des amis, ce week-end, ce vendredi soir, ce samedi soir, mais vous pensez refuser, parce que vous avez peur qu'on en vienne à un moment donné, à l'apéro, à parler du CETA. Ne vous inquiétez pas, Corentin Candy est là. Vous avez peur que vos amis vous demandent devant tout le monde ce que vous en pensez, pas de problème. Corentin Candy vous fournit gratuitement, clé en main, un petit bréviaire, une sorte de petit tutoriel pour vous extirper de cette situation potentiellement gênante avec grâce et agilité. Alors voilà ce qu'il faut dire et ne pas dire. Avec ce que je vais vous dire, et que vous n'aurez qu'à annoncer sur un ton docte et sûr de vous, tout le monde vous trouvera très bon citoyen, très gentil avec les dauphins, très contre ceux qui mangent des chiens. Mon avis personnel, c'est que franchement, ces deux traités, je vais vous dire. Alors voilà, voici un petit prêt-à-penser extrêmement utile en société. Alors écoutez bien ce que j'en pense du CETA. Vous pouvez le recopier sur le dos de votre main, comme ça, ni vu ni connu. Il vous suffira de relire les points saillants de mon exposé. Mon avis, c'est que franchement... Oh, et puis non. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Eh les gens, apprenez à penser par vous-même dans vos voitures, là. Lisez les 1500 pages du CETA, réfléchissez à tout ça, à tête reposée et faites-vous une opinion. Le texte du CETA, c'est 1500 pages, mais 1500 pages en anglais, en code secret, quoi, pour un élu wallon. En anglais, ça commence bien. Déjà que je pensais qu'on parlait québécois au Canada. Mais non, ces gens parlent québécois, mais écrivent en anglais. Ça commence bien. Et puis, c'est tellement avantageux pour nous, le CETA, pourquoi c'est pas écrit en belge ? Ah ah ! Bonne question. Bon, deux, trois choses à savoir. Après la signature du traité, il sera 100% légal de tuer des bébés et de les éviscérer pour manger leurs yeux. Avec le CETA, les entreprises canadiennes auront le droit de mettre de l'arsenic et des vieilles dentelles dans vos légumes aux OGM bleu, blanc, belge. Mais nous, on n'aura pas le droit de faire la même chose chez eux. Il faut le savoir. Si on ratifie le CETA, des Américains déguisés en Canadiens, avec l'accent et tout, pourront mettre de l'animal mort dans la vache folle que vous mangez. Bon, en fait, voilà, j'ai changé d'avis. Parce que vous êtes sympathique, je vais quand même vous dire ce qu'il faut penser du CETA. Vous êtes prêts ? Ouais. Ah non, désolé, je m'aperçois que mon sablier était coulé, je n'ai plus le temps, mais je vous le dirai la prochaine fois. Ouais, j'aime bien. Comment vous tenez en haleine le public, ouais. C'est phénoménal. Vous qui allez certainement devoir bien en parler autour de vous. Oui, il y avait beaucoup trop de pages encore, hein, Corentin. On peut faire les photos et la mettre sur la page Facebook. Hein, le CETA, le TTIP, on va en reparler d'ailleurs, hein, puisque le gouvernement québécois demande à la Wallonie d'autoriser cette fameuse signature du CETA, les irréductibles wallons. Donc qui refuse de signer cet accord, eh bien on en parle dans un instant. On va retitrer cette information. N'hésitez pas à faire pareil sur la page Facebook de l'émission de C'est Presque Sérieux. On va s'informer à 17h avec Diane Burgel-Vernet et revenir avec toute l'équipe presque sérieusement avec toute l'actualité. Rien que l'actualité de ce lundi 17 octobre que je vous souhaite excellent. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 € et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Et top ! Vous pensiez que le temps ne pouvait pas s'acheter ? Détrompez-vous. Vous pourrez enfin rentrer plus tôt chez vous. Pour votre administration sociale, faites confiance aux experts de groupe S et profitez de plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît. Découvrez l'offre multiservice de groupe S. Rendez-vous sur plusdetemps.be. Groupe S, votre secrétariat social. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Aussi pour les indépendants. Et alors madame, qu'est-ce qui se passe avec votre voiture ? C'est mon moteur qui a commencé à fumer. Ouais. À mon avis, c'est la pompe d'injection qui n'est pas bien calée. Faudrait peut-être remplacer le capteur de la sonde du conducteur électronique, non ? Hein ? Oui, bien sûr. Je vais quand même regarder sur Internet, hein, parce que... Orange lance Aigle et Aigle Premium. De nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous avez tout le data dont un indépendant a besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne. Tu cuisines en semaine et moi le week-end. Et je fais le jardin et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie. Infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La première présente... Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pensais... Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas envie voir. De plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. La première... Météo. Bonne fin de journée à tous. Ce soir, on aura encore quelques petites averses sur le sud du Sillon-Sambre-et-Meuse. Elles vont devenir de plus en plus rares. Demain matin, les nuages seront bien compacts sur le pays. Et dans le courant de la journée, le vent va se renforcer nettement avec des rafales jusqu'à 65 km à l'heure l'après-midi. Et là, on a une zone de pluie qui va balayer le pays. Elle pourrait déjà arriver au littoral peu avant midi, mais c'est surtout l'après-midi qu'elle va concerner progressivement toutes les régions. Les maxima ne dépasseront pas 10 à 14 degrés. Le temps sera pluvieux et venteux. Mercredi, on se retrouve à l'arrière avec un ciel de traîne, averse et éclaircie, 9 à 13 degrés pour les maxima. Encore quelques averses jeudi, puis à partir de vendredi, un temps plus sec, mais un peu plus frais. Pluie, vent, froid. Le temps idéal pour accueillir chez moi le conseiller Bélisol et recevoir un conseil gratuit pour mes nouveaux châssis et mes nouvelles portes. Bélisol. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Une explosion sur un site de l'usine chimique BASF a fait au moins un mort et 6 disparus. L'explosion s'est produite en Allemagne, dans le port fluvial de Ludwigshafen, dans l'ouest du pays. Le groupe assure qu'il n'y a pas de danger pour la population. Pension à la SNCB, économie dans les soins de santé. Les dernières mesures du gouvernement fédéral passent plutôt mal. À la SNCB, on s'inquiète, vous l'entendrez, de départs massifs à la retraite anticipée qui pourraient avoir lieu avant la mise en place du nouveau système de pension en 2018. On va faire un point sur vos conditions de circulation et on retrouve Pierre Collard-Bovy. Oui Diane, avec des ralentissements dans la plupart des travaux évidemment opérés sur nos routes pour l'instant et sur le ring de Bruxelles, une circulation dense mais tout à fait habituelle. En Allemagne, deux explosions ont touché deux usines du groupe chimique BASF. Cela s'est passé dans des localités situées près de Francfort, à l'ouest du pays. La première a eu lieu ce matin à Lampertheim. La deuxième explosion en fin d'après-midi sur un autre site de l'usine à une vingtaine de kilomètres de là. Il y aurait au moins un mort, 6 personnes portées disparues, une dizaine de blessés aussi. À Linoivray, les circonstances de l'accident restent floues. Oui, il y a donc eu deux explosions sur deux sites différents de l'usine chimique, à quelques heures d'intervalle seulement. L'explosion la plus importante a eu lieu à Ludwigshafen en fin de matinée. Une fumée épaisse et noire s'échappe toujours du site. Les images montrent aussi des flammes en train de détruire l'usine. Selon le groupe allemand, ça s'est passé lors de travaux sur un système de pipelines, mais on n'en sait pas plus sur l'origine de l'explosion. On ignore aussi ce que ces canalisations transportaient. Le groupe BASF explique qu'il n'y a aucun danger pour la population, aucune évacuation n'a été ordonnée, mais la municipalité demande tout de même aux personnes qui habitent près de l'usine de rester à l'intérieur, de garder leurs portes et leurs fenêtres fermées. Même conseil pour les écoles et les jardins d'enfants. La ville explique aussi sur son compte Twitter que des habitants se plaignent d'irritation des voies respiratoires. Cette usine chimique travaille dans le secteur pétrochimique, dans la production de plastique, les produits agricoles et d'entretien. Et on rappelle ce bilan pour le moment, un mort, 6 personnes portées disparues, une dizaine de blessés. La CGSP Cheminots prépare un plan d'action après la décision du gouvernement de revoir les régimes spéciaux de pension à la SNCB. Les militaires également et le personnel roulant de la SNCB vont donc devoir allonger leur carrière. Plusieurs étapes sont annoncées de 55 ans à l'heure actuelle et jusqu'en 2018 à 63 ans à l'horizon 2030. Pierre Lejeune est le secrétaire national CGSP Cheminots. D'ici à la première application de la réforme, le 1er janvier 2018, donc des conducteurs de train et des accompagnateurs seront tentés de faire valoir leur droit à la retraite anticipée. Nous soupçonnons qu'un nombre de départs massifs risquent d'être rencontrés dans les prochaines semaines, les prochains mois, puisque les cheminots qui sont aujourd'hui dans des conditions de départ à la retraite risquent d'anticiper leur départ à la retraite et de ne pas attendre 2018, alors que là, on va prolonger de 8 ans la durée de leur carrière, quoi. Ça créerait un vide. Et alors que nous connaissons déjà un vide de l'ordre d'environ 700 agents qu'ils n'ont pas recrutés, alors que les budgets de recrutement existent. Et donc, ces mesures-là, si elles ne sont pas comblées, vont s'accroître du fait qu'il y aura plus de départs que de recrutement. Et donc, sur le plan opérationnel, on risque d'avoir des problèmes à certains endroits. Une interview de Dominique Delal. L'ensemble des syndicats réfléchit à d'éventuelles actions, secteur par secteur ou pour l'ensemble des professions concernées. Notez aussi cette réaction de l'Union nationale des mutualités et des syndicats. Ils rejettent le budget des soins de santé proposé par le gouvernement. Budget qui implique une économie totale de 902 millions d'euros. Ce gouvernement accélère, je cite encore, la dérive vers une médecine à deux vitesses. C'est un recul social jamais vu depuis 10 ans, déplorent donc les mutualités dans un communiqué commun. La mobilisation, on l'entend, s'organise. Les débats, eux, pendant ce temps-là, se poursuivent à la Chambre, en séance plénière, pour débattre de la déclaration gouvernementale. Il y est surtout question du budget 2017. Le Premier ministre est sans arrêt interpellé par l'opposition. Il y a eu un échange très tendu ce matin entre Laurette Onkelinx et Charles Michel. Cet après-midi, le CDNV, membre de la coalition gouvernementale, a pris la parole. Au cœur de la crise gouvernementale, la semaine dernière, la demande du CDNV de taxer les plus-values boursières pour compenser les économies dans les soins de santé. On n'en trouve finalement pas une ligne dans le budget. Écoutez Roule de Seine. En politique, il y a très peu d'assurance, mais il y a toujours l'espoir. Voilà, c'est notre espoir, mais c'est aussi notre ambition. Si rien ne se passe, ben, ce sera un grand problème pour mon parti, le CDNV. Donc, le Premier ministre s'est engagé pour que le dossier apparaisse de nouveau sur la table de négociation. Pas seulement le dossier sur les plus-values, mais aussi la réforme de l'ESOC, qu'on veut coupler à notre souhait d'organiser un système de justice, de fiscalité équitable. Le gouvernement, le choix de Charles Michel, c'est de gagner du temps. Ce gouvernement, c'est un mariage avec 4 partis, donc c'est pas évident. C'est un peu comme dans la vie réelle, avec 2 partis, c'est pas toujours évident. À 4 partis, c'est encore plus difficile. Donc oui, on a gagné un peu de temps, mais je pense que en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour mener une étude supplémentaire, pour que les choses soient bien organisées. Mais le parfum de crise peut-être est toujours présent dans la rue de la loi. Rôle de scène du CDNV, propos recueillis par Marc Serlerot et Christian Mazuy. Notez que le vote de confiance est prévu demain à 14h. Cette nouveauté au Parlement wallon, cette fois. À l'instar de ce que fait le Premier ministre à la Chambre, le ministre-président Paul Magnette a fait le point cet après-midi sur les grandes lignes de la politique de la majorité PS-CDH, sur les grands chantiers donc des prochains mois. Il a notamment rappelé l'arrivée prochaine de 2 grandes réformes, celle des allocations familiales et celle de la fiscalité régionale. Sur les bancs de l'opposition, le MR a réclamé moins d'effets d'annonce et plus d'actes concrets. En cette journée mondiale du refus de la misère, lutte, solidarité, travail mettent en évidence une série de pratiques et de législations qui, dit le mouvement, ont conduit à une augmentation de la pauvreté en Belgique. Plusieurs associations comme ATD Quart-Monde, le Pivot à Bruxelles ou le réseau wallon de lutte contre la pauvreté se sont rendues au Parlement wallon. Ce fut l'occasion, dit Luc Lefebvre, militant de la LST, d'expliquer que les pauvres ne veulent pas devenir transparents dans la société. On est transparent parce qu'on veut chasser la pauvreté, on est transparent parce que pour justifier à certains moments de son existence, il faut rendre des comptes à tous les niveaux. Les pauvres, ils n'ont plus aucun élément de vie privée à certains moments. C'est vraiment une ingérence dans l'ensemble de la vie privée, donc qui rend cette transparence aussi finalement. Si on héberge un ami par solidarité, on sera pénalisé parce qu'on tombera sous le régime cohabitant par exemple. Ou bien alors, c'est le logement social qui vous mettra dehors parce que vous ne pouvez pas héberger. Toutes ces législations qui contribuent finalement d'abord à enfermer les plus pauvres, à les rendre transparents, parce que toutes les réglementations sur la mendicité, c'est une évidence. C'est chasser les pauvres, ça fait mauvais genre devant les belles vitrines. Mais les questionnements, ils restent les mêmes. C'est cette contradiction d'une société qui est fondamentalement inégalitaire et on veut cacher le plateau de la balance qui dénonce cette inégalité. Une interview de Karl Defoy. Très belle fin de journée à notre écoute. Merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Chicora, un ours en plus de 1 mètre de haut à 14,95 €. Ça fait pas cher le gros câlin. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. avec Walid. Retour de l'information tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Roysen. On remercie bien entendu Diane Burgel-Vernet. En attendant, bien nous sommes presque sérieux. Il vous accompagne durant une bonne heure maintenant. C'est nos beaux esprits du jour qui relatent pour vous autrement, avec bien de la légèreté, de l'impertinence, du sarcasme, de la perfidie pour certains. Et parfois, c'est jamais terminé. C'est le cas de Corentin Candy. Ah. Très bref. Ah oui, mais justement. J'ai même l'impression que vous avez surpris, que vous avez dû un peu broder. Ah oui, je sais, je me suis dit. De manière brillante. Ouais, oui, vous avez vu. Ouais. Hein? Professionnel. Ça, c'est un brodeur. Ah, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je travaille longtemps à Bruges, vous savez. Corentin Candide avec nous. Il y a Edgar Schotz également. Edgar, bonjour. Salut, toi. On va parler de la manif pour tous avec vous d'ici à quelques minutes. Enfin. Il y a Jean-Jacques, j'espère. C'est, hey, c'est moi, Jean-Jacques. C'est bonne nouvelle que vous pouvez retrouver, bien entendu, en podcast en émission de ce jour sur le rtbf.be/ovio. Au même titre que Florence Mendez qui vous accompagne. Bonjour, Florence. Bonjour, bonjour. Il y a Raoul Reyers également. Et Walid. C'est vrai, c'est vrai. Jour. Une presque star. Dans un instant, on aura droit à l'agence de presque. Mais avant, retitrons une information qui a toute son importance et lui, toute la presse en parle. C'est parti. C'est presque sérieux. C'est la première. Ah oui, le titre que nous vous proposons de retitrer aujourd'hui, eh bien, tourne autour du CETA. On en parlait il y a quelques minutes avec Corentin Candy, le gouvernement québécois qui demande donc à la Wallonie d'autoriser cette fameuse signature. Ah, ils sont à genoux là. Ils passent des coups de fil, ils passent des coups de fil en coups de fil, de pot de vin en pot de vin. C'est de toute table en toute table, de valise en valise. Je peux vous dire qu'à côté, Sarkozy, c'est un petit joueur. Les ministres européens, en tout cas, qui doivent théoriquement se retrouver le 18 octobre, donc demain, Luxembourg, pour signer ce fameux traité et donner donc mandat au président du Conseil européen, Donald Tusk, pour l'approuver au nom des 28 lors du prochain sommet Union européenne-Canada. Ce sera le 27 octobre prochain. Mais les députés wallons, ah oui, les irréductibles wallons, ont approuvé vendredi dernier une motion demandant donc à l'exécutif wallon de ne pas accorder sa délégation de pouvoir au gouvernement fédéral pour signer ce projet de traité. Une décision applaudie par certains, vivement critiquée par d'autres, dont Manuel Valls et Philippe Couillard. Alors, Manuel Valls. Philippe Couillard, c'est un pseudonyme. Ouais. C'est le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Et Manuel Valls. Manuel Valls, franchement, les Wallons, c'est pour vous faire remarquer, faites comme moi, quoi. Hein, dites tout et son beaucoup contraire. Gestes. Ah, dites tout et son contraire. Bon, comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information? Le gouvernement québécois qui demande donc à la Wallonie d'autoriser la signature du CETA. Florence Mendez. CETA Bernac. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Edgar Schotz. Ben, j'ai rien trouvé de mieux que la petite phrase de mon excellent ami Baptiste. CETA, virez près de chez vous. Ah oui, c'est pas mal, ça aussi. Corentin Candy, pour vous, cette info, comment est-ce que vous pourriez la retitrer? Eh bien, c'est dur, ça fait mal pour des gens qui parlent tout le temps québécois. Les Wallons sont de véritables attardés. C'est tout. C'est un peu ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'a dit Justin Trudeau entre les lignes. Ah oui, il fallait vraiment. Ouais, pour une fois que Justin Trudeau, on peut dire du mal de lui. C'est vrai. Jean-Jacques Jespers, pour vous, cette information. Le Québec à la Wallonie, signé ou gare à vos gosses. Mm-hmm. Et est-ce que c'est un gosse hein? D'accord. C'est une métonymie. Raoul Reyers, Jean-Jacques Goldman, pour vous, c'est ta chance ou un truc comme ça, non? Non, pas du tout. La Wallonie a enfin trouvé un truc pour emmerder les Flamands. Wallonie 1, Flandre 12685. Ils essayent aussi, vous savez. Imaginez, mais je pense que vraiment, s'ils tiennent bien. Et s'ils tiennent bon, on va parler de nous pendant des années. Dans le monde entier. Dans le monde entier, on va nous pointer du doigt les irréductibles wallons. Les gars, tenez bon, signez pas. Et de toute façon, personne ne comprend ce truc de CETA. Si, maintenant j'explique aux gens ce qu'ils font. Oui, en partie. Quand vous avez 1500 pages à lire, franchement, pensez que le fonctionnaire wallon, il n'a que ça à faire. En anglais. Si ça se met, il y en a 11 000 qui sont cachés, des pages. Et Westphal fait partie des brillants. C'est pour vous dire. Bon, à 17h12 avant la presque star, l'agence de presque. Attention, tout ce que vous allez entendre est complètement faux, mais avec de vrais extraits de JT. C'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. La situation belge étonnera toujours. Aujourd'hui, Albert II est fâché. Le roi en a ras-le-bol des Flamands. Il a bloqué ce matin les accès routiers de la Flandre. Le président de la NVA, Bart De Wever, a lu dans un message audio juré de se venger du roi Albert II dans quelques jours. Jean-Marie Le Pen, cet ancien parachutiste à la retraite, a été brûlé aux deux mains en sauvant des flammes le Galaxy Note 7 de Vladimir Poutine. Il doit prendre depuis des calmants 24 heures sur 24. La ministre de l'éducation Marine Le Pen et l'ancien Premier ministre Éric Zemmour décrocheront-ils le prix Nobel de la paix? Un prix décerné par des hippies séniles. Donald Trump ne comprend pas le choix des Nobel. Alain Juppé, la star de télé-réalité américaine, vient de commettre une gaffe sur le plateau du 20h de TF1. Couché sur Jean-Marc Morandini, la situation devient intenable dans cette affaire. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Il y a des images qui ne vous quitteront plus à partir de maintenant. C'est-à-dire on vous crée des images mentales à travers l'information qui est complètement, bien entendu, erronée cette fois-ci. Corentin, juste une question. Il faut vraiment dire aux gens que c'est faux? Vous êtes obligé de le dire à chaque fois? Je le dis parce que bon, on ne sait jamais. S'il y a des gens qui croient vraiment, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous savez, comme dirait le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Ou alors, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Oui, ça, c'était les inconnus. Bon, en attendant, accueillons Emmanuel qui est avec nous. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Walid. Vous allez bien, Emmanuel, donc. Alors, on parle de vous dans la presse. Mais pour quelle raison, Emmanuel? Eh bien, on va le déterminer dans un instant. On s'y intéressera, en tout cas. Et nos chroniqueurs vont me poser une série de questions. Je ne réponds que par oui ou par non. C'est parti, faites-vous plaisir. Est-ce qu'Emmanuel a un grand fauteuil en osier? Tout de suite, les grands. C'est au premier qui arrivait à la poser. Voilà. Jean-Jacques Jespers. Une génération ne sait pas qui est Emmanuel. Et Jean-Jacques Jespers, c'est bien. Est-ce qu'elle aime les caresses buccales en osier? Non. C'est du Gainsbourg. Non. C'est pas pour cette raison qu'on parle d'Emmanuel. Elle travaille peut-être dans le cinéma. Non, pas dans le cinéma. Ah. Non. Un indice, c'est parti. M'aiderez-vous à marcher sur ce chemin? Je ne peux que te montrer le chemin, Scarabée. Les pas, tu dois les faire toi-même. Elle fait du karaté. Ah, elle fait du karaté, non. Est-ce qu'elle a une sœur? Pourquoi? Sœur Emmanuel. Jean-Jacques, vous êtes... c'est pas une bière que vous avez prise. Non, mais ça s'appellerait pas Emmanuel, alors. Ah non, c'est pas Emmanuel. Si c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Vous voulez un deuxième indice? Oui. Écoutez le deuxième indice. C'est Minus, c'est Cortès, c'est Cortex et Finus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. Alors... Est-ce qu'elle rêve de conquérir le monde? Elle rêve de conquérir le monde, non, ce n'est pas ça. Est-ce que Emmanuel est de Roubaix, par exemple? Il y a quelque chose à faire autour de sœur Emmanuel de Roubaix, je pense. Non. Avec le karaté, Emmanuel de Roubaix. Absolument pas. Alors, c'est une ASBL, je vous aide. Et autour de la table, il y en a un et demi qui pourrait être concerné. Attention, j'aurais pu vous donner un L'éjaculation autre... précoce? Non. Un et demi, j'ai dit, autour de la table. Et c'est perdu, les amis, c'est perdu. Personne n'a trouvé aujourd'hui. Ah, ça commence bien, c'est un bon. La méditation dans le milieu scolaire. Non. Je vais vous parler d'une ASBL. L'ASBL Duo for a Job, c'est le nom de cette ASBL qui a été lancée fin 2012. Par 4 trentenaires bruxellois et l'objectif, eh bien, elle va nous le décrire, Emmanuel, responsable marketing et communication de cette ASBL, Duo for a Job. Kézako, dites-nous tout, Emmanuel. Alors, Duo for a Job, c'est une association qui met en contact des jeunes issus de l'immigration qui cherchent un boulot avec des personnes de plus de 50 ans qui vont les aider dans leur démarche. C'est-à-dire que dans leur démarche, on va les inciter à changer leur prénom dans le CV ou le nom ou pas? Parce que... Non, justement, on en parle des vieux là. Ah, on en parle de plus en plus d'ailleurs, hein, des gens qui sont un peu obligés de changer leur identité parce qu'ils sont victimes de discrimination. Et donc, ici, n'est-ce pas, monsieur Wahhabi? C'est ce qui se passe. Enguerrand. C'est que donc, avec cette ASBL, Duo for a Job, vous souhaitez contribuer donc, à garantir à tous les mêmes opportunités d'accès à l'emploi avec ce qu'on peut appeler un parrain. Exactement, donc on ne va pas demander à un Walid de changer son prénom en Jean-Pierre, on va lui demander justement d'assumer ça et on va essayer de conscientiser les gens à de plus en plus ouvrir leurs portes à la diversité. Eh ben, je vais vous raconter, vous savez qu'un jour on m'a poussé presque à le faire, à pas m'appeler Walid, je vous jure. Gonzague, Enguerrand. Jean-Pierre, ça vous irait bien. Ah, je vous jure, et à un moment donné j'ai résisté, j'ai fait comme la chanson Résiste, pour que tu existes, et voilà, et je me suis attaché. Alors, différents avantages, d'abord pour les jeunes et puis pour les mentors, les seniors, quels sont-ils ces avantages? Alors évidemment pour les jeunes, c'est l'occasion d'être coaché, d'être accompagné par une personne expérimentée du secteur d'activité recherchée, d'apprendre les ficelles du métier, d'apprendre à écrire un CV, à se présenter et avoir éventuellement un réseau qui s'ouvre à lui. Et pour les personnes de plus de 50 ans, c'est l'occasion de retrouver un nouveau souffle, de retrouver beaucoup de motivation, de se ressentir de valeur et de s'impliquer dans un projet de société qui fait extrêmement sens aujourd'hui. Se sentir utile à travers cette ASBL. Est-ce que les mentors, comme vous les appelez, sont rémunérés? Ah non, ils sont bénévoles. D'accord. 100%. Ok, donc si vous êtes retraité, Jean-Jacques par exemple, non, Raoul Reyers presque. Et même si vous n'êtes Raoul, pas, même si vous n'êtes pas retraité. Ah c'est vrai, donc même si on n'est pas retraité. Donc même vous, voilà, pouvez y aller plus de 50 ans. Vous pouvez y aller. Ah, si, pas retraité ah oui, mais il faut plus de 50 ans, c'est-à-dire voilà. Que moi par exemple, je ne peux pas y aller. Ah oui, moi par exemple, je ne peux pas y aller. Et que vous souhaitez en tout cas donner un coup de main, vous pouvez surfer sur le site de cette ASBL, Duo for a Job, sur le www.duoforajob.be. On mettra toutes les infos sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première. Oui, moi, je m'occupe déjà tous les jours d'un jeune issu de l'université. C'est pas faux, c'est pas faux. Et moi, je m'occupe aussi également tous les jours d'un vieux. De changer les langes. Voilà. C'est ça l'intergénérationnel. Hein, c'est l'échange. C'est comme ça que j'ai appris à mon métier. C'est dans cette vieille casserole. Mais qui a changé de prénom, Raoul ? Raoul, elle a changé de prénom, contrairement à moi. Hein. Moi, j'ai changé de prénom. C'est ça, prénom wallon ne marchait pas. Ne essayez pas à la bande FM. En tout cas, Emmanuel, on vous remercie. Vous étiez notre presque star du jour. On mettra toutes les informations sur la page Facebook. Et je le rappelle, si vous avez plus de 50 ans et que vous voulez bien trouver un nouveau souffle à votre carrière, vous sentir utile, et ça fait sens aujourd'hui de se sentir utile et d'aider les autres, en tout cas les jeunes, quels qu'ils soient, en recherche active d'emploi avec votre savoir-faire, n'hésitez pas à le partager via cet ASBL, Duo for a Job. Ils étaient notre presque star du jour. Dans la suite, eh bien, on s'intéresse à l'actualité encore et toujours avec cette manif pour tous. Et c'est signé Edgar Schott tout de suite sur la première. Bientôt, on va entendre les homosexuels qui voudront avoir le droit à l'avortement parce qu'ils l'ont pas parce qu'ils sont pas des femmes. C'est presque sérieux sur la première. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Eh hey Vincent, ça va voisin? Ça va, je te dérange pas? Non. Dis, ta pompe à chaleur Daikin, ouais. Elle chauffe, elle rafraîchit ta maison, ouais. Hein, puis elle purifie l'air, ouais. Qui provient aussi de mon jardin. C'est ça, parfaitement. Mmh. Ouais. Ce serait pas possible de renvoyer l'air purifié dans ma maison? Oui, avec un système de tuyauterie. Oui, voilà. Non, Bruno, c'est pas possible ça. Ah, pas du tout. Non, je te laisse. Bonne journée. Hein. Oui. Les pompes à chaleur Daikin, économiques et silencieuses, pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air de la maison. Plus d'infos sur daikin.be. La première présente... Les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la 3e édition du Forum Immobilier, ces 20 et 21 octobre, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. À découvrir les projets en cours et à venir dans la région et les possibilités d'investissement dans tous les secteurs de l'immobilier. Plus d'infos sur forum-immobilier.be. La première présente... Le jazz à Flaget. Avec les concerts de Bill Frisell, Stuff, Yvan Paduard and Friends, Stacy Kent, Roberto Fonseca, Boubacar Traoré, Shai Maestro Trio et bien d'autres encore. Découvrez tous les concerts jazz sur flagey.be avec le Vif Express et le journal Le Soir. La première. Mobile Info. Et à 17h21, embouteillage, pas embouteillage, bouchon, pas bouchon, circulation difficile, pas difficile, et bien la réponse avec le seul et l'unique Pierre Collard-Bovy. Eh bien, situation pas trop difficile sur le ring de Bruxelles. En tout cas, on commence par là. Que 17, je dis bien que, encore une fois, c'est des parenthèses, hein, parce que mais c'est parfois bien plus difficile que ça. Plus 17 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 16 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, et plus 10 minutes pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre. Les autres tronçons sont en dessous des 10 minutes supplémentaires. Un objet encombrant, c'est un pare-choc sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Houdin. C'est la bande de gauche qui est encombrée en direction de Mons. Ouvrez l'œil. Des travaux vous ralentissent sur le 403 Bruges Tournai à hauteur de Blandin. Vous perdez 40 minutes à partir de Templeuve en direction de Tournai. Ralentissement également sur la N60. Travaux aussi là. Leuze-René entre Franles-Léonvin et Acny. Vous perdez 15 minutes en direction de René. Ralentissement de travaux encore sur le ring 9 de Charleroi. Le petit ring, donc gros embras de circulation avec des répercussions sur la N90 venant de Fontaine-l'Évêque. Accident sur le 411 Namur-Luxembourg à hauteur d'Abbé. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée en direction de Luxembourg. Et puis toujours des ralentissements à Cherade sur le 40 avec la chapelle Bruxelles et ce dans les deux directions. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. MiDirect est la banque de fonds d'investissement par excellence. Et d'après ses clients, MiDirect a un service clientèle extraordinaire. Essayons. Mais MyDirect Bank. Bonjour Médica, comment puis-je vous aider? Oui, j'ai lu dans une pub pour MyDirect que vous avez une gamme internationale de plus de 500 fonds et 8 portefeuilles modèles. C'est exact? Tout à fait, monsieur. Merci, c'est clair. Mais de rien, monsieur. Vous voulez l'essentiel à moindre coût? Investissez chez MyDirect, la banque belge de fonds par excellence. Devenez client et recevez 1% de vos investissements cash sur votre compte. MyDirect.be. Action sous condition. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et on poursuit cette aventure presque sérieuse avec l'actualité en trame, en fond. C'est un peu l'histoire de notre vie, Raoul Reyes. On passe notre vie avec l'actualité. Et oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est elle qui l'a passé avec nous aussi. Ah oui, je veux dire, on essaie de s'en débarrasser, dessus, hein. mais on n'y arrive pas. Ou le Belge est philosophe. Elle nous colle. Et tiens, hier avait eu lieu à Paris ce défilé, un nouveau défilé de la Manif pour tous, 2 ans après la promulgation de la loi Taubira, légalisant donc le mariage entre personnes du même sexe. On se demande un peu quelle était leur revendication. Et vous avez une réponse pour nous, Edgar. Ah, c'était la Manif pour tous. Ouais. Ok, je comprends mieux pourquoi je la trouvais un peu molle, la musique de la Gay Pride cette année. Blague à part, oui, j'ai une réponse à votre question, mais si vous le voulez bien, je souhaiterais d'abord commenter les chiffres un peu divergents en ce qui concerne le niveau de participation à cette nouvelle Manif pour tous. Vous les avez vus, les chiffres de participation? Donc 24 000 selon la police, et vous savez combien d'après les organisateurs? 10 fois plus. Une idée. 200 000. Ah ouais. En général, c'est un peu du simple ou double, mais ici, c'est de 1 à 8. Donc 24 000 selon la police et 200 000 selon les organisateurs. Je ne vois que 2 hypothèses en fait, pour expliquer cette légère différence. La première hypothèse, ce serait celle d'une hostilité radicale de la maréchaussée à l'égard de ce mouvement. Et dans ce cas, on pourrait alors dire que les flics, c'est rien que des PD. Excusez-moi, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de pouvoir prononcer cette phrase sur le service public. Soit, deuxième hypothèse, les organisateurs de la Manif pour tous tiennent compte dans leurs calculs, et ce serait somme toute assez logique, non seulement du nombre de manifestants, mais aussi du nombre d'ovules et de spermatozoïdes de chacun d'entre eux. Ah ouais. Vous allez me répondre, mon cher Edgar, ça ne fait en moyenne que 8 spermatozoïdes pour chaque manifestant masculin, ce qui ne fait quand même pas beaucoup. À quoi j'aurais envie de vous répondre, certes mon cher Walid, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait tous ensemble pendant 5 minutes dans les toilettes, juste avant de se rendre à la manif. J'aurais bien voulu y aller pour moi-même, pour pouvoir effectuer le comptage, hein, mais je vous avoue que moi qui suis complètement agoraphobe et à ce titre ne supporte pas de me retrouver dans une manifestation et qui suis en plus fondamentalement hostile au mariage, qu'il soit hétéro ou homo d'ailleurs, je m'en fous, j'ai tendance à prendre cette manif pour tous un peu comme une attaque personnelle et je ne suis sans doute pas le seul parce que la manif, elle a beau être pour tous, elle est quand même aussi contre quelques-uns. Mmh. En gros, tout ce qui n'est pas hétérosexuel, catholique et blanc, ce qui fait sans doute à peu près 50 millions de Français selon la police et 327 futurs déportés selon les organisateurs. Bon, avec tout ça, je n'ai toujours pas répondu à votre question. Quelles étaient les revendications des manifestants? Disons qu'elles n'étaient pas très claires, mais que le mot d'ordre peut donner une indication. Et je crois même qu'on peut considérer ce mot d'ordre comme un signe d'ouverture. Ce n'était en effet pas les PD au bûcher ou touche pas à mon prépuce, comme on aurait pu s'y attendre. Non, c'était, je vous le donne en mille, ne plus subir. Donc le slogan de la manif, c'était ne plus subir, ce qui laisse penser que les organisateurs en ont désormais un peu moins contre l'homosexualité en général que contre l'homosexualité passive. Particulier. Et de toute façon, loin de moi de critiquer hein, la manif pour tous. D'abord, comme dirait Corentin Candy, je n'ai rien contre les hétéros. D'ailleurs, je crois que ma femme en est une. Et puis surtout, la manif pour tous, c'est chaque fois une occasion pour les réseaux sociaux de laisser libre cours à leur créativité langagière et blagueuse. Et ma préférée de cette semaine reste quand même la suivante. Dit, c'était quoi au fond le parcours de la manif? Eh bien, on est parti du 20e et on a terminé dans le 16e. Ah ouais. Quoi? Arrondissement? Non, siècle. Ah, je trouve que c'est génial. Cette phrase est géniale. Cette phrase, c'est une vraie punchline. Hein. J'adore. Effectivement, la manif pour tous, il y a eu pas mal de Belges également qui s'y sont rendus. Hein. En plus. Donc voilà, juste pour voir en fait. Des photos. Ils étaient là en touriste, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. De quoi, Raoul? Pour se faire des amis. Ah oui. Ou pas. Nouveaux amis. Pour faire un selfie, tout voilà. Simplement. J'ai des images maintenant qui m'arrivent dans la tête, je ne peux pas vous les raconter à 17h27. Bon, c'est il est presque, trop tard. C'est presque la fin. Bah oui, mais c'est déjà fini. Vous savez que l'émission passe à une vitesse et c'est phénoménal. On va se retrouver nous demain entre 16h et 17h30. Mais avant cela, eh bien, vous rappelez que vous pouvez aller sur la page de l'émission pour repartir avec des agendas grandeur nature. Hein. L'agenda. C'est pas des agendas. Grand format. Enfin, quand je dis grandeur nature, c'est grand format, c'est-à-dire qu'il y a le petit format qu'on vous